Il y a la coopérative des Grands Rangs qui a pied à terre maintenant. C'est une coopérative de plusieurs producteurs, en fait, de plusieurs entrepreneurs, voilà, les producteurs du milieu de l'agriculture et de l'agroalimentaire qui se sont unis, question de favoriser l'achat local. Le président du conseil d'administration, M. Éric Proulx, va être en onde à la fin de l'émission pour nous en parler. Et tu as aussi une autre invitée au bout du fil, Catherine, qui va nous en qui va être... Oui, dans la prochaine demi-heure, à 4 heures, Marie Baudry, directrice générale d'Aliments du Québec, dont vous pouvez voir les publicités sur les autobus et un peu partout ailleurs avec Chantal Fontaine et son sourire qui nous vend les Aliments du Québec. Marie Baudry va être là pour nous parler de qu'est-ce que c'est exactement ça, Aliments du Québec, de comment c'est né, de ce que ça défend et de pourquoi est-ce qu'on veut favoriser et mettre de l'avant les Aliments du Québec dans les épiceries. Très bien. Et puis, petite revue de l'actualité. Dans les journaux d'aujourd'hui, il se passe beaucoup de choses. La semaine dernière, en fait, il n'y a pas si longtemps, Jean-François Lézier, dans l'actualité, faisait un pronostic à partir de sondages qui ont été effectués auprès de l'électorat québécois dans les dernières semaines. La CAQ de François Legault domine largement. On prévoit même une disparition pratiquement totale du Parti québécois de la carte électorale québécoise. Jean Charest sera à l'opposition officielle et Québec solidaire gagnerait un deuxième député, soit sa deuxième co-chef, en fait, Françoise David, dans le comté de Gouin. Ce qui est un peu alarmant parce que ça veut dire que et le gouvernement et l'opposition officielle seraient des partis qui rassemblent des gens de la droite québécoise dont les intérêts sont à peu près les mêmes, c'est-à-dire les intérêts financiers au Québec et les intérêts des entrepreneurs qui réussissent le mieux et qui ont le plus de pouvoir auprès du gouvernement depuis longtemps, là, grâce à des lobbies de toutes sortes dont on entend parler beaucoup. Fait que si à la fois l'opposition et le gouvernement sont composés de ces gens-là qui se connaissent tous très bien, qui sont la même gang en fait que ceux qui contrôlent les grosses industries au Québec, et ça fait craindre un peu pour la démocratie. Oui, en effet, surtout que le côté progressiste à l'Assemblée nationale va vraiment vraiment prendre le bord. Alors ça serait gouvernement fédéral conservateur, très de droite. Et c'est drôle parce que on a voté pour le NPD au fédéral en masse, qui est vraiment le parti le plus de gauche peut-être en Amérique du Nord. Mais c'est pas drôle parce qu'on l'a dit, ils ont fait d'autres sondages d'ailleurs après, puis ils disaient la raison principale pour laquelle les gens ont voté pour le NPD, c'est par ennui, parce qu'ils étaient tannés, parce qu'ils voulaient de la nouveauté. Donc, on peut très bien, par envie de nouveauté, par ennui, voter pour la CAQ. Je pense que c'est ça qui va se produire. Malheureusement, si les gens prennent pas conscience de ce que ça veut dire exactement, l'arrivée de ce parti-là au pouvoir à Québec, on va voter pour un renouveau qui est tellement... C'est comme si collectivement, on était tellement découragés de la politique québécoise que le renouveau en lui-même, peu importe ce qu'il propose, était une valeur plus attirante, plus attrayante que ce qu'on a déjà, tellement ce qu'on a déjà est déprimant et presque angoissant par moment. Fait que c'est la même raison, en fait, qui ferait voter les Québécois pour François Legault qui ont fait voter les Québécois pour Jack Layton. Et je feuillette le soleil d'aujourd'hui, chère Catherine, la page 2, un reportage de Jean-Marc Salvet qui annonce que Jean Leclerc serait candidat potentiel de la CAQ. Jean Leclerc qui est le président ou le directeur général des Biscuits Leclerc, en fait, qui a acheté dernièrement Laura Socor, entre autres, qui est devenu un grand spécialiste de la confiserie à Québec, et qu'il serait et qui est un ancien ministre libéral, sous Daniel Johnson. Bon, il sera dans la mire de François Legault, et on annonce aussi une autre liste de noms potentiels. On sait déjà, on en a parlé il y a quelque temps ici à la Fausse Patte, que François Legault aimerait avoir 7 députés, si ma mémoire est bonne, à l'Assemblée nationale dès janvier. Mm-hmm. Ça veut dire que on espère gagner Bonaventure, on espère aussi rallier l'ADQ. Je pense pas que Bonaventure en fait partie, présente pas de candidat si je me trompe pas. Présente pas de candidat finalement, d'accord. Ben, je pense qu'ils ont envie que le PQ ne perde pas cette fois-ci, parce que ça voudrait peut-être dire, si le PQ perd, que Pauline Marois se fera définitivement tasser, remplacée par quelqu'un de beaucoup plus épeurant pour la CAQ, Gilles Duceppe, que Pauline Marois l'est en ce moment. Oui, hein, je me suis mis à rêver à un moment donné d'un débat des chefs. Imaginez, mesdames et messieurs, à la télé, Jean Charest, François Legault et Gilles Duceppe qui s'affrontent. Juste au niveau spectacle, ça serait formidable. Trois hommes, je pense que... Mais moi, je me demande sur quoi Jean Charest et François Legault s'ostineraient. Je me demande vraiment sur quoi. Ça serait quoi leur point où ils s'entendent pas et représentent exactement les mêmes intérêts? Je pense que là où ils s'entendraient pas, ça serait François Legault dirait « Vous êtes corrompu », puis Jean Charest dirait « Vous êtes un opportuniste bon, ». Sinon, qui cache ses volontés séparatistes derrière un truc populiste qui se penche sur les sondages, qui disent que plus personne ne veut entendre parler de la souveraineté, pour dire « Ok, d'abord, je suis plus souverain ». Mais quelqu'un qui se penche sur les sondages pour faire son programme politique, comme le fait François Legault, en disant « qu'est-ce que les gens veulent ?» puis qui prend ces éléments-là pour dire voici ce sera le programme de mon parti, c'est une définition d'opportuniste, parce que quelqu'un qui est pas opportuniste va dire moi je crois en telles idées et je vais essayer de convaincre la population de ces idées-là, je vais essayer de les pousser, je vais représenter les gens qui sont pour ça, puis je vais essayer d'en convaincre plus à embarquer dans mon programme. Mais quelqu'un qui dit moi je m'en fous, j'ai pas d'idée là, moi c'est ce que les Québécois veulent, comme ça je me fais élire, puis après ben finalement je fais ce que je veux, parce que moi j'aimerais bien savoir c'est quoi son vrai programme derrière le programme populiste qui est élaboré en effeuillant les sondages. Très bien, et je vous invite à visionner, si jamais ça vous tente, sur le site à tout.tv en fait, sur le site d'Infoman. Ils ont fait un montage du lancement de le fameux logo, là, le fameux de la CAQ, oui, de la CAQ, le fameux logo Fruit Loops, là, qui a l'air d'une émission des années 70 à Radio-Canada. Ben, écoutez, ils ont fait un montage de toutes les fois où François Legault dit on verra. On le voit, puis ça, c'est dans une, à un moment, hein, c'est pas de toutes les fois depuis le début, là, c'est dans le lancement de son programme. C'était quoi cette journée-là? C'était le lancement officiel du parti avec du logo, oui, voilà. C'est ça. Hey, je pense que c'est au moins 7 fois, de toutes sortes de manières différentes, en anglais, en français, ça fait peur. Oui, c'était épouvantable. Et écoutez, et puis, pour revenir à ce qu'on disait en début d'intervention, eh ben, il aimerait avoir, en fait, toute la DQ, n'est-ce pas? Les 4 députés de la DQ qui sont là présentement. Il aimerait avoir les 2 indépendants démissionnaires de la DQ. On parle d'Éric Kerr et, l'autre nom m'échappe, On le retrouvera plus tard. On le retrouvera plus tard. On s'en souvient pas. C'est pas quelque chose Picard? Non, c'est quoi, non? Enfin. Bref, et il y a le démissionnaire du PQ également, monsieur, ouais, qui est sur la rive sud, ouais, monsieur Charrette, si ma mémoire est bonne aussi, ouais, qui serait pressenti pour devenir député direct. Et là, on parle d'autres candidats potentiels. On parle, entre autres, les plus gros noms sont ceux-ci. On parle du président de la Fédération des médecins spécialistes, monsieur Gaétan Barrette. On parle de l'ex-ministre conservateur Michael Fortier. Et celui qui a été nommé, en fait, qui a été poussé là par Stephen Harper, il a été nommé, ce ministre non élu, en fait, qui a été amené au cabinet conservateur à l'époque. Et on parle aussi des ex-adéquistes Sébastien Pau et Jean-François Roux. Alors ça donne une petite idée d'où est-ce qu'on s'en va avec la CAQ, avec les caquistes. C'est vraiment, c'est les valeurs de droite et ça ressemble drôlement à nos bons vieux confrères de l'Union nationale à l'époque. On dirait les petits-fils de... Ouais, avec le national en moins, par exemple. Dans le sens qu'il n'y a pas, je veux dire, l'Union nationale, c'était nationaliste et de droite. Ça n'existe plus aujourd'hui. Puis la CAQ n'est pas un parti nationaliste. Non, effectivement, parce que tout le côté autonomiste de l'ADQ sera annihilé dans le nouveau parti de François... De toute façon, François il a déjà disparu sous la gouverne de Deltel. Ah, tout à fait. Bon, voilà. Alors, c'est terminé. Il en sera fini du côté identitaire québécois dans ce fameux parti. Oui, vas-y. Oui, le ministre, pour revenir au Parti libéral que nous affectionnons tant, Parti libéral du Québec, l'un de ses ministres, le ministre québécois de la Justice, Fournier, revient d'Ottawa assez frustré. Puis c'est toujours plaisant de voir les libéraux faire ça. C'est arrivé plusieurs fois dans l'histoire du Québec. C'est arrivé sous Bourassa. C'est arrivé énormément. Les libéraux partent à Ottawa pour dire, écoutez, là, nous, on a toujours été gentils avec vous, on a toujours collaboré, on va compter sur cet esprit de collaboration-là, qui n'est pas l'esprit de rapport de force des souverainistes qui est si mauvais. On va compter sur cet esprit de collaboration-là pour pouvoir avoir une discussion, pouvoir faire que les choses ne soient pas décidées unilatéralement à Ottawa. Donc, le ministre de la Justice Fournier est allé contester la loi C-10 à Ottawa auprès de son homologue fédéral, Rob Nicholson, et il était très fâché parce que Rob Nicholson lui avait fait comprendre dans ses communications avec lui que ça valait la peine qu'il vienne le voir à Ottawa, qu'il serait d'accord avec une façon de faire qui n'impose pas unilatéralement le projet de loi C-10 beaucoup plus sévère, un projet de loi criminelle beaucoup plus sévère puis qui fait payer beaucoup aux provinces qui devront remplir leur prison. Il a dit au ministre provincial du Québec, viens me voir, puis on va en discuter, puis on va voir. Puis finalement, quand le ministre Fournier est arrivé à Ottawa, Rob Nicholson lui a dit, non, ça va passer, il n'y a aucun doute là-dessus, cette loi-là, elle va passer telle qu'elle. D'ailleurs, quand ils ont discuté cette loi-là au Parlement canadien, à la Chambre des communes, évidemment, il y a eu des questions des partis d'opposition. Le gouvernement conservateur, fort de sa majorité, a juste à peu près rien répondu, resté silencieux, tranquille sur ses bancs, a pensé avec raison que ça valait pas la peine de s'ostiner parce que de toute façon, il était majoritaire et il prévoit de passer la loi telle quelle, sans avec des modifications extrêmement mineures. Donc, le ministre de la Justice Fournier très fâché, dit j'ai demandé au ministre de la Justice fédérale pourquoi vous voulez pas changer, sur quoi vous vous basez pour dire que votre façon de gérer la justice criminelle est meilleure que celle qui a été éprouvée chez nous, qui fonctionne bien chez nous. Sur quoi vous vous basez? C'est quoi vos études? C'est quoi votre vos arguments? Moi, je veux en discuter, je veux savoir, là. Puis Rob Nicholson, le ministre de la Justice fédérale, a répondu, écoutez, ce sont des considérations personnelles. Des considérations personnelles qui décident d'une loi qui va s'appliquer à tous les Canadiens, à tous les Québécois. Fait que le ministre Fournier a dit franchement, je peux pas accepter qu'on légifère en matière criminelle en se guidant juste sur des observations personnelles. C'est bien beau, il peut pas l'accepter, mais qu'est-ce qu'il va faire? Il l'accepte pas, donc il va être fâché, puis c'est tout. On n'a pas de, il y a pas de façon de, on est soumis aux lois criminelles du Canada au Québec, puis on va être soumis à ces lois criminelles-là tant qu'on va faire partie du Canada. Mais il y a un courageux à l'Assemblée nationale, Amir Kadir, qui a proposé que le Québec se dote de son propre code criminel. Ça faisait partie de la plateforme d'Option nationale aussi, à travers la ligne où ils disent on doit voter toutes nos lois. Et Amir Kadir exige un amendement constitutionnel pour ce faire. Et le Parti québécois a appuyé cette motion-là. Donc, elle va être débattue aujourd'hui. Mais comme au Québec aussi, nous sommes dans un gouvernement majoritaire, libéral, j'ai bien hâte de voir si la frustration du ministre Fournier aura un quelconque effet sur les députés libéraux, sur le Parti libéral, par rapport à cette motion-là. Est-ce qu'ils vont trouver, est-ce qu'ils vont dire non, oui, on est bien frustrés, non, on n'accepte pas que le ministre fédéral nous impose de force une loi qui nous correspond pas du tout. Mais en même temps, on va rien dire, on va pas appuyer une motion qui dit qu'on va avoir notre propre code criminel au Québec, puis qu'on va exiger un changement constitutionnel en ce sens-là. C'est splendide ce que t'apportes là, Catherine. J'aimerais en lien avec notre émission spéciale de vendredi dernier, dont sur l'Occupons Québec, sur les indignés, dont on va faire un bref résumé tout à l'heure, dans quelques instants. Eh ben, on a eu Annick Papillon du NPD. En fait, t'as eu Annick Papillon en entrevue directement du site d'Occupons Québec, en fait, qui a été démantelé d'ailleurs, c'est dans les dernières nouvelles, au parc de l'Université du Québec, on dirait que on s'indigne toujours, on gueule et tout ça, mais quand on se trouve, surtout quand on se trouve muselé, c'est-à-dire, on gueule lorsqu'on a les mains attachées. Ça va? Comme Monsieur Fournier peut rien faire, fait que c'est sûr qu'il en profite pour gueuler. Ben oui. Parce qu'il n'y a pas besoin du courage de faire quelque chose. Il y a juste à dire « je ne peux pas », c'est anticonstitutionnel, c'est contre la loi. Puis je sais pas ce qu'il va dire, mais j'imagine qu'il peut pas dire autre chose que ça. C'est comme Mme Papillon qui disait « excusez-moi, je ne peux pas m'insérer dans les affaires municipales parce qu'il s'insère pas, il s'ingère pas, mais je reste la bombe dans les miennes. » Et encore une fois, on s'indigne, mais on n'ose pas trop se mouiller. On pose pas le pied dans le bateau non plus. On veut pas ramer en faveur des idées que l'on met de l'avant. À un moment donné, il faut que les bottines suivent les babines, comme on dit par chez nous. Et je trouve que dans un cas comme dans l'autre, c'est beaucoup de vent pour rien. Oui, puis y a-tu moyen d'avoir accès à des politiciens qui sont des individus? T'sais, on dit que tout le temps qu'on vit dans un monde individualiste, mais les individus, les vrais individus qui osent s'avancer, sortir de la masse, de la pensée unique sont tellement rares que, dans un sens, on est assez grégaire, finalement, comme société individualiste. Puis je trouvais ça extrêmement difficile quand j'ai posé des questions à Annick Papillon, d'avoir son avis à elle. Je posais des questions, Annick Papillon disait, par rapport aux indignés, une espèce de flow de phrases qui sortait tout droit du programme du NPD. Puis quand j'ai demandé, oui, mais vous, en quoi ça vous touche? Vous, qu'est-ce que ça vous fait, ce qui est en train de se passer? Qu'est-ce que ça suscite en vous, les revendications des indignés? C'est quoi votre avis là-dessus? Y a-t-il moyen de le savoir? Puis Annick Papillon, après, pourtant, pas beaucoup de temps au Parlement, était déjà assez formatée par la vie parlementaire, elle m'a répondu un truc du genre, oui, bien sûr, ça me touche, car je n'ai pas toujours été députée, vous savez, autrefois j'étais étudiante, donc, mais moi, je veux pas savoir si, parce que toi, t'as déjà été dans une situation de précarité, ça te touche. Est-ce que ça te touche comme être humain? Moi, je veux dire, qu'on mette nos vieux dans des asiles, ça me touche. Pourtant, mon grand-père vit chez ma mère, ça me touche pas personnellement, mais ça me touche. Je trouve ça triste, je trouve ça pas extraordinaire comme comportement de société, mais c'est pas parce que ça me touche personnellement, tu sais. Toucher les gens, c'est pas nécessairement les toucher directement dans leur vie à eux. Y a-tu moyen qu'un politicien arrive puis ait des idées sur des choses parce qu'il trouve que c'est bien ou que c'est pas bien, que c'est juste ou que c'est pas juste? Surtout venant d'une députée qui représente un parti grand défenseur du bien commun. ouais. grand défenseur de la solidarité sociale. Et quand on lui a posé la question, est-ce que vous seriez prête à poser un geste significatif? Parce que là, on parlait peut-être avec M. Bussière qui était en onde ici avec nous, Mme Guérette également connue au téléphone. Qui sont tous les deux conseillers indépendants à la Ville de Québec. Voilà. À qui a été acheminée une liste de demandes logistiques de la part des indignés pour qu'elle soit déposée justement au conseil municipal. Pour que le conseil exécutif puisse l'étudier et voir si, en fait, faire avancer les choses. Et là, on est en train de discuter de savoir est-ce que M. Bussière et Mme... En fait, ces motions-là doivent être présentées par un conseiller et appuyées vers un autre. Oui. C'est le cas de Morin. Oui. Ça va? Et on est en train de peut-être de parler de la possibilité de ces deux conseillers-là. M. Bussière ayant l'air beaucoup plus... Fervent défenseur. Fervent défenseur, oui. Willing en bon français, de oui. le faire. Game de faire le truc. Mme Guérette, plus vraiment beaucoup plus... Peureuse et frileuse. Et mais quand on en discutait, elle a demandé à Mme Papineau, seriez-vous de genre, allez vous asseoir dans la salle du conseil de ville en tant que citoyenne de Québec pour appuyer les indignés? Et là, non, je ne me gérerai pas dans le municipal, je me mêlerai pas. Tout ça accompagné d'un beau sourire politicien. Et voilà, ben que tu as eu la chance de recevoir. Moi, j'étais oui, en studio, non, malheureusement, je n'ai pas pu. Non, non, c'est une femme très sympathique. Son attaché aussi était très sympathique. Ils sont venus, ils se sont déplacés. Mais c'est assez, là. Faut que les gens prennent parole. Ça n'a pas de bon sens. Pourquoi tu es politicien si tu veux, si ton travail consiste à ne rien dire, à ne jamais rien dire qui ait du sens? Tout ce que tu as le droit de dire, tout ce que tu oses dire, c'est quelque chose qui va jamais fesser nulle part, qui fera jamais mal à personne, qui fera que jamais tu vas être mal vu dans les médias, qui va faire que jamais ton parti va dire hey, ça, c'est quoi? Quoi, aurais-tu eu par hasard une idée personnelle, toi, là? Aurais-tu eu par hasard une pensée qui vienne du fond de toi? Parce que c'est dangereux, ça n'a pas de bon sens. La politique, c'est supposé être l'endroit où se brassent les idées les plus innovatrices, les plus intéressantes, les plus fortes d'une société. Puis là, tout ce à quoi on a accès, c'est un espèce de truc publicitaire édulcoré, franchement, sans goût. Écoute, cet argument, à mon sens, pourri, de dire qu'on s'ingère pas dans les domaines, c'est complètement faux. Il y a des ministères des affaires intergouvernementales. Quand c'était le temps de reconstruire un des rares bons coups de Régis Labombe, il y en a quelques-uns quand même, un des bons oui. coups de Régis Labombe, ça a fait énormément de pression pour le manège militaire. Oui. Ça va au niveau du fédéral. Il est allé voir José Vernet, il s'est attaqué directement à elle. Il a milité, il a mis un pied devant l'autre pour sa ville. Il a carrément utilisé sa position pour faire pression. Exactement. N'importe qui peut faire ça. Et de toute façon, vous venez tous du même endroit. Vous êtes tous élus par la population qui vous choisit, vous, pour les représenter. C'est ça, votre travail. Ce n'est pas vous battre pour un parti politique. Ce n'est pas de prendre position dans la partisanerie. Vraiment. C'est de défendre les intérêts de citoyens, de travailleurs, de familles qui sont là, qui ont voté pour vous, qui ont dit « Toi, tu vas être celui qui va défendre mes intérêts. » Et si vous n'êtes pas capable de le faire sous prétexte que vous allez fâcher vos collègues des autres domaines politiques, ouais. ben, abstenez-vous. Ou vos collègues de votre parti, ou ça fait voilà. toutes sortes de choses qui leur font... Le débat, c'est l'essence même de la démocratie et de la politique. Ouais, abstenez-vous de vous présenter si vous n'êtes pas game. Et voilà. Il faut savoir se salir les mains, il faut savoir travailler avec ça. Et oui, le fédéral doit parce que vous êtes sur le même territoire. Ça doit être une juridiction fédérale, un comté fédéral. Mais on est quand même à Québec. C'est la même rue. Hein? Oui, non. Puis c'est voilà. son comté, c'est celui de Québec, là. C'est ici. Alors voilà, si les gens de Québec sont sortis dans la rue et peuvent pas compter sur une députée qui plus est, défend les mêmes valeurs dans son parti oui. et au Parlement, eh ben à quoi ça peut servir, voter? Écoutez, je sors du garde-robe, mais moi j'ai voté pour Christiane Gagnon, qui est une députée qui s'est dévouée pour Québec pendant 20 ans. J'en discutais avec un ami aussi, il était déçu de ça, et on se demandait... Quelle aurait été la position de cette dame-là face aux indignés? J'aurais aimé ça savoir qu'est-ce que Christiane Gagnon aurait fait, parce qu'elle est souvent sortie pour ce genre de mouvement-là, préposition. Oui. Moi, je pense qu'elle serait sortie le couteau entre les dents, puis il se serait passé quelque chose d'un peu plus significatif que cette grisaille-là et cet apaisement à tout prix, là. Et ça, oui, voilà. Donc, juste pour Occupons Québec, ça, ils ont été démantelés hier à 6h du matin. Fait que pour ceux qui savaient pas, c'est il y a plus personne, ils se rejoignent, ils vont continuer leurs assemblées générales le samedi. Mais il y a eu une centaine de policiers, une escouade anti-émeute qui sont débarqués à 6h du matin pour déloger les 6 manifestants qui avaient passé la nuit là. Donc ils ont dit aux manifestants, vous avez une minute pour partir, partez. Les gens disent mes affaires sont là. Ils ont tout mis ça dans un camion en disant vous allez les retrouver. Fait que ça a été démantelé de cette façon-là. Et puis, évidemment, si les manifestants que j'ai croisés hier m'ont dit si on avait su, on aurait été plusieurs, mais c'est sûr qu'ils ont plein d'appui puis qu'il y aurait été des dizaines, peut-être même des centaines à être là pour faire face à la police. Mais la police sont bright. Hein? Ça leur tente pas d'avoir 105 manifestants à contrôler. Fait que c'est pour ça qu'ils font ça à 6h du matin. Eh bien, ouais, c'est stratégique. Écoutez, on peut pas les blâmer pour ça. Hein? Non, effectivement. Être là à 6h le matin, moi, je les admire beaucoup. Je suis pas un gars du matin, donc voilà. surtout en novembre lorsqu'il fait noir et froid. Oui. Mais mesdames, messieurs, ce qui est vraiment bien pour Occupons Québec, par contre, je sais que là, c'est le démantèlement du campement, c'est la fin de la phase 2. Eh bien, il y aura une phase 3, parce que quand vous tenez un jour sur leurs réseaux sociaux, ben on sait qu'il y a d'autres interventions. Le mouvement n'est pas mort, au contraire. Il prend une pause pour mieux se réorganiser, n'est-ce pas? Ce qui est peut-être pas une mauvaise chose, parce qu'on sentait les troupes assez épuisées dans cette guerre d'usure avec non seulement la mairie de Québec, mais aussi les intempéries, n'est-ce pas? Oui. On est quand même au Québec et décembre arrive à grands pas. Donc, surveillez ça. Je pense qu'ici à la fausse patte, on va se faire encore une mission de continuer de les suivre et de leur donner une droit de parole à nos micros. Et dernière chose à souligner dans l'actualité avant de partir dans un bloc pub et en musique, c'est ce fameux plan en or qui, ma foi, se fait passer à la moulinette par plusieurs intervenants des hauts noms de la finance. Aujourd'hui même, dans Le Devoir, il y a une dépêche qui est sortie. En fait, il y a un article. C'est des économistes qui sont réunis au HEC. Pour un congrès quelconque, malheureusement les formations m'échappent, mais bon, ils ont pris position concernant le plan Nord. Et ce qui est dit en ouverture de cet article-là, je vous cite, c'est un article d'Alexandre Shields, 23 novembre 2011. Le plan Nord déjà dépassé, le Québec n'a pas adapté sa gestion du secteur minier à la nouvelle donne, dénoncent des experts. Et voici l'ouverture de l'article qui dit tout. Le plan Nord a été élaboré sans réel débat public et dans la précipitation, en s'appuyant sur un modèle de développement totalement caduque. Caduque, il veut dire passé date. Pire, le chantier d'une génération tant vantée par le gouvernement Charest pourrait même se révéler risqué pour les finances publiques. C'est le message qu'ont lancé hier plusieurs experts chevronnés des questions économiques, énergétiques et politiques dans le cadre d'un colloque consacré au secteur mini au HEC Montréal. Voilà. Puis Jacques Parizeau a dit il y a deux jours aussi dans Le Devoir encore que des affaires, ben, que ça se tenait pas. Il disait en fait on est en train de se faire avoir. Puis il expliquait très bien, il s'adressait vraiment à l'intelligence des gens. Il expliquait très bien de quelle façon on allait se faire avoir. Je vous invite à lire l'article. Mais il disait entre autres, pour vous donner un exemple de la lourdeur de tout ça, en 2002 et 2008, le gouvernement du Québec a payé plus cher qu'il n'a reçu d'argent aux minières, a payé plus cher aux minières qu'il n'a reçu d'argent d'elles, tout en se faisant extraire ces ressources minières là, qui nous appartiennent. Donc, nos taxes ont payé les minières plus que les minières ont retourné au gouvernement du Québec, en plus de prendre nos ressources, notre or, notre fer, etc. Pendant 6 ans, ça s'est produit, jusqu'à ce qu'un vérificateur dise, écoutez, on se fait avoir présentement. On a remonté les redevances, mais là, c'est comme si le gouvernement, puis c'est ce que dit Parizeau, j'ai l'impression que le gouvernement Charest est comme honteux de recevoir tant d'argent des minières. C'est pas beaucoup d'argent, c'est l'argent qui nous revient. C'est nos minéraux qui sont en train de sortir de notre sol. Mais il dit, j'ai l'impression qu'il est gêné de recevoir tant d'argent. Alors, il essaie de faire bonne figure en gardant les redevances hautes, en obligeant les minières à donner de fortes redevances au gouvernement. Mais il dit en échange, écoutez, je vais vous faire des routes, je vais vous donner 300 millions en routes, je vais vous développer des infrastructures, vous ne paierez pas votre électricité, le peuple québécois va vous la payer. Alors il fait tout de dons par en dessous comme ça, de manière à probablement soigner ses relations avec les PDG des minières. Je sais pas, je comprends pas l'avantage. Ben, fait-il comme Lucien Bouchard à l'époque lorsqu'il a privatisé Gaz Québec, préparé son après-carrière politique? On sait pas, parce que maintenant, vous savez que M. Bouchard, est le grand défenseur des gaz de schiste. Peut-être que Jean Charest prépare sa sortie politique pour ça m'étonnerait pas. D'ailleurs, c'est très souvent discuté. Là. Voilà, André Boisclair qui a fait la même chose, Philippe Couillard avec l'industrie pharmaceutique, Guy Chevrette avec l'industrie forestière, n'est-ce pas? On pourrait les nommer, il y en a plusieurs. Ouais. Et pendant ce temps-là, M. Charest essaie de nous vendre que la solution pour assainir les finances publiques, c'est d'augmenter les frais de scolarité. Je me suis même, moi, obstiné avec un de mes cousins, là, qui il y a 25 ans, un homme très intelligent, qui était d'accord avec ça, l'augmentation des frais de scolarité. Mais avec ce que tu viens de nous dire, Catherine, je pense que là, il y a un gros problème à quelque part. C'est que si on est obligé de payer les industries minières pour qu'ils viennent vider notre sous-sol, tandis qu'on est même pas, on aurait tout ce qu'il faut ici pour prendre tout ça en main et s'en occuper. On le fait avec l'hydroélectricité dans les années 60. Pourquoi ne le ferait-on pas aujourd'hui? Vous êtes pas tannés, mesdames et messieurs, que tous ces grands chantiers-là qu'on nous vende, on en soit seulement que les employés il serait pas temps qu'on en devienne les patrons. Puis on est tout content parce qu'on a 20 jobs de plus. Ça n'a pas de bon sens. C'est pas 20 jobs de plus qu'il faut. C'est 200 jobs de plus, plus des redevances qui nous reviennent parce que c'est nos minerais. Écoute, Catherine, je suis d'accord pour une fois avec la droite québécoise qui dit que le Québec a des fois les allures de république de banane. Mais eux, ils défendent par le fait que c'est l'État interventionniste qui est très dictatorial et tout ça. Mais moi, république de banane, c'est, y a quelqu'un qui, les étrangers débarquent chez nous. C'est ça une république de banane. Hein? Débarquent chez nous pour nous exploiter. Pour s'entendre avec notre gouvernement, 2, 3, 4 personnes, leur donner des avantages individuels. Et voilà, et ainsi venir chercher une richesse ici qui est extraordinaire pour que les profits de cette richesse-là s'en aillent partout ailleurs